me chauffe, je prends mon mic et je monte sur le ring. On balance un beat histoire de voir qui est le king. Comme c'est funky, je balance un lyrical front kick. Touché au foie, le MC tombe, KO technique, c'est notre zig. On lâche notre rage sur le mic, sur des freestyles. Chez nous ça se tape comme en free fight, street life. Un combat de rue au quotidien. Retiens bien, descends du ring quand on y vient. Ton style est falche, le nôtre est fait d'argent et d'or. Notre son déboule sur toi comme une patate de Fedor. Et t'endors, fallait pas jouer avec nous. Tout deep, on possède le son pour te mettre à genoux. Ingénieux, nos rimes surprennent comme un juji. On règle nos comptes au mic, on n'a pas besoin de fusil. Et cette musique sera sûrement pas la dernière. On gratte le papier et ne comme Van Der Ley. Comme un front kick, fumer le beat, c'est notre but. Pour KO technique sur des mélodies qui te butent. Comme un front kick, placé dans l'estomac. On possède le son qui t'envoie dans le coma. J'boxe quand je rime, attention c'est un crime. J'ai le seum, je te nique, je t'assomme sur le ring. Dream, ha, le combat est lancé. Faut que j'en place une directe, mec j'suis toujours censé. Je danse, comme Mohamed j'mets en transe. Ali je boxe depuis mon enfance. Gauche, droite, attaque, double, patate. Get Mexi, non moi je te savate. Ha, c'est trop moche quand j'y pense. Une golden dans tes dents, hey mec tu pionces. Non, non, tu vas pas tenir le coup. J'dois devoir ramer genoux et j'enchaîne. Un cesse de punchline. How would it be if the world would be mine? Fine. TKO face à tout type, face à N2S, tu finis 6 feet deep. Comme un front kick. Fumer le beat, c'est notre but. Pour KO technique sur des mélodies qui te butent. Comme un front kick, placé dans l'estomac. On possède le son qui t'envoie dans le coma. On brise des tympans sur une bête d'instru. Nos lyrics sont techniques comme du jujitsu. On s'en sert tous les jours à tour de bras pour casser des tas de petits MC qui sont venus nous clasher. Tu peux toujours essayer, mais tu te casseras la gueule. Comme Chuck Liddell, mon mic balance des middle. Tout deep, on a le son qui casse des côtes. Comme le bruit que fait une articulation qui saute. Y'a pas de deuxième round, moi j'te la fais one shot. Y'a pas de combat de rue sans le gunshot. Remarque, c'est un ego car moi je trippe. Avoue MC, quand tu me vois toi tu flippes, c'est chaud. Parce que moi j'ai le niveau. Je m'essouffle pas, j'suis là pour te mettre KO. En gros, j'mets des gros stars dans mes chansons. Et dans la rue, dans la même direction, nous avançons. Comme un front kick. Fumer le beat, c'est notre but. Pour KO technique sur des mélodies qui te butent. Comme un front kick. Placé dans l'estomac. On possède le son qui t'envoie dans le coma.